Donc, on va commencer la journée avec Debout Éducation Populaire. Donc, pour commencer là, de 15h à 16h, je vais proposer une petite intervention sur ce que je vais appeler la psychiatrisation de la demande. Alors, je vais m'expliquer un petit peu. En fait, à partir du terme de dysmorphophobie. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce qu'est la dysmorphophobie et ce que ça veut dire. C'est un terme qui a été, bon, qui est quand même assez vieux, hein, qui remonte au 19e siècle et qui a été pas mal développé ces 20-30 dernières années en parallèle de la chirurgie esthétique. La dysmorphophobie, ça se définit comme on pourrait dire qu'on est malade de son image. Voilà. C'est-à-dire qu'on se trouve des... Enfin, on se trouve... Non, c'est pas en rapport avec la sexualité, la dysmorphophobie. C'est par exemple quelqu'un qui trouve que son nez est beaucoup trop gros. Mais au point que cette personne-là ne peut se voir dans le miroir, elle ne supporte pas de se voir dans le miroir, et du coup, elle va faire un temps énorme le matin, par exemple, pour se maquiller, pour cacher cette imperfection. Mais c'est vraiment un niveau très très élevé qui fait que elle peut avoir recours à l'automutilation, par exemple, pour le changer, et aussi avoir recours à la chirurgie esthétique. Alors pourquoi est-ce que ce terme de dysmorphophobie a énormément pris de l'ampleur ces 20-30 dernières années? C'est en rapport donc avec le développement de la chirurgie esthétique, parce qu'on propose à ces personnes-là qui sont malades donc de leur image, de l'image de leur corps, on leur propose des solutions. Et des solutions qu'on met en rapport avec une dimension médicale. Par exemple, je vais prendre l'exemple de la chirurgie de la mâchoire. Donc, il y a depuis maintenant les années 1950, en fait, ça s'est fait suite aux gueules cassées pendant la guerre. Il y a là la chirurgie maxillofaciale s'est énormément développée. Et après, elle recouvre de plus en plus maintenant un aspect esthétique. Donc, qu'est-ce que c'est que la chirurgie orthognatique? Ce sont des personnes, donc vous savez que l'orthodontie s'est énormément développée. Maintenant, presque tout le monde à l'adolescence a un traitement orthodontique, donc avec un appareil, des bagues. Voilà, on a quelqu'un qui témoigne de la véracité. Et en fait, ce qui s'ajoute maintenant assez souvent dans la chirurgie orthognatique, enfin dans le traitement orthodontique, c'est qu'on propose aux personnes qui ont par exemple une mâchoire du bas ou une mâchoire du haut trop en avant ou trop reculée, on leur propose de faire en plus du traitement orthodontique une chirurgie. Alors cette chirurgie, elle a plusieurs fonctions. Elle a pour fonction de, non pas d'aligner les dents parce que c'est le traitement orthodontique qui aligne les dents, mais elle a pour fonction de mettre les mâchoires l'une en face de l'autre, ce qui ne peut pas toujours être fait dans le traitement orthodontique. Alors là où ça se relie énormément à un aspect esthétique, c'est que finalement le type de chirurgie orthodontique dépend énormément des praticiens eux-mêmes. Par exemple, en fonction des pays et en fonction des origines, les mâchoires sont très différentes. Par exemple, en France, très souvent, les personnes ont des mâchoires inférieures assez étroites, alors que dans d'autres pays, ils vont avoir des mâchoires inférieures beaucoup plus larges. Donc, c'est là où, du coup, la chirurgie orthognatique rejoint une certaine norme de ce qui serait un idéal, en tout cas esthétique du visage. Ce qui est assez intéressant, c'est que quand les personnes viennent demander un traitement orthodontique, donc en général, la demande, c'est pour avoir les dents droites, et parce que tout le monde a des bagues en plus au collège et au lycée, donc en plus, voilà, ça permet de s'intégrer dans le groupe. Ce qui est très amusant, c'est que par contre, les personnes qui veulent demander un traitement à 30 ans ou plus tard, ça devient très difficile à ce moment-là de mettre des bagues, parce que c'est comme un retour à l'adolescence. Mais dans tous les cas, du coup, si les médecins voient qu'il y a aussi une malformation de la mâchoire, alors malformation... En général, quand on pense malformation, on imagine quand même quelque chose de très grave. Dans la chirurgie orthognatique, les malformations peuvent être très légères. Donc, les personnes qui, à qui on va proposer, du coup, une chirurgie en plus du traitement orthodontique, en général, je dis en général, on va dire, à faire des pourcentages pour clarifier les choses, on va dire à 70% n'ont pas de, de problème, ni pour manger, ni pour respirer, et se trouvent très bien avec leur mâchoire. Donc, en fait, au moment où le médecin leur dit, alors lui, parce que vraiment, parce qu'il pense le bien-être de la personne, au moment où il leur dit, ah, vous avez une mâchoire trop étroite ou trop en avant, et du coup, faites ce traitement-là, et vous allez vous sentir mieux dans votre peau, vous allez mieux manger, vous allez mieux respirer, la personne-là, à ce moment-là, commence à se dire qu'elle n'est pas normale. Alors qu'avant, elle s'était toujours considérée comme tout à fait normale, pas de problème avec sa mâchoire. Et donc, en fait, là où je dis, je parlais de la demande au début, c'est qu'à ce moment-là, ça institue chez la personne une demande qu'elle n'avait pas avant. Parce que une fois qu'elle entend le médecin, qui est quand même référence au moins de santé et de savoir, à ce moment-là, elle se dit, si je ne fais pas quelque chose, je vais être responsable d'une mauvaise santé plus tard. Oui, parce que ce qu'il aurait dit, ce que j'ai oublié de dire quand même, c'est qu'avec la prévention des risques qui est de plus en plus mise en avant aujourd'hui, on leur dit, si vous ne faites rien, dans 40 ans, vous risquez de perdre vos dents. Enfin, dans 40 ans, quelqu'un qui a 20 ans, qui risque de perdre ses dents dans 40 ans, enfin, personne n'en sait rien, c'est purement hypothétique. Et du coup, la personne se dit... Vas-y. Moi, j'ai un truc à te répondre par rapport à ça, parce que bon, quand le dentiste dit, dans 20 ans, tu perds tes dents, à 40 ans, tu perds tes dents, moi, je veux dire, j'ai 30 ans, il me reste plus que 9 dents. C'est-à-dire que le médecin m'avait dit, à l'époque, il y a 15 ans, tu vas perdre tes dents à 30 ans. C'est un calcul qu'ils font, mais pas en général. C'est pas généralisé. C'est une approximation qu'ils font. Suite à tout simplement une maladie de calcium, pas assez infusée, parce que le calcium tape beaucoup dans les gencives, mais ce qu'on appelle une maladie ou ce qu'on appelle la mauvaise dentition, et les dents remontent par rapport à la gencive qui descend. Et c'est là le problème, parce qu'il se passe que quand on retrouve, on va chez un dentiste pour refaire nos dents, le problème, il est là. Le dentier, quand on l'essaye, il n'est pas valable. Il est obligé de le faire une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Parce que la dentition au niveau gencive bouge tellement qu'elle remonte. Et c'est ça les mauvaises dentitions. Et ça, c'est pour des personnes qui ont des problèmes ultérieurement familiaux, qu'ils ont cette maladie principalement. Alors oui, je te remercie vraiment pour ce que tu dis, parce que justement, ce que je voulais distinguer, c'est les personnes qui ont, par exemple, une maladie des gencives, et le cas général des personnes qui n'ont pas de problème au moment où le médecin leur dit ça, et il leur dit pas, à 40 ans, vous allez perdre vos dents, il leur dit, peut-être que dans 40 ans, donc quand elles auront 60, 70 ans, vous risquez de perdre vos dents. Donc, attends, juste, ce que je veux dire par là, c'est que il y a des cas dans lesquels, en effet, ils savent que les dents vont tomber et il vaut mieux faire un traitement avant, parce qu'en effet, trouver un appareil quand on n'a plus que 4 dents, bah, c'est très compliqué et les dents sont très fragilisées. Mais là, dans ce cadre-là, c'est pas parce qu'il y a une maladie des gencives, c'est pas parce qu'il y a un risque spécifique à la personne qu'elle perde ses dents. Non, mais je parle vraiment du cas de la chirurgie orthognathique pour 70% des patients qui n'ont pas de problème fonctionnel. Donc, ce que je veux dire là-dedans, c'est qu'il y en a aussi 30% pour qui c'est très important de faire ce traitement. Et ces personnes-là, d'ailleurs, en général, c'est pas l'aspect esthétique qui arrive en premier, c'est vraiment l'aspect médical. Sais-tu, en aspect médical, qu'est-ce qui est le produit le plus utilisé et en même temps le plus dangereux par rapport aux dents? Les anesthésies. L'anesthésie, tout simplement, c'est un acide qui attaque le nerf. C'est pour endormir le nerf, pour arracher la dent. Et il se passe que ce produit-là, tu vois, moi encore, j'ai des dents qui bougent. Parce que oui, ils sont fragilisés suite aux autres. Mais à la fin du compte, c'est pourquoi ? Parce que étant gamin, on allait voir un dentiste pour pouvoir me mettre une prothèse. Bon, on m'endormait. La soigner pour une carie, on endort. L'anesthésie, c'est le seul problème. Et à l'époque de nos grands-parents, ça n'existait pas. Oui, oui, tout à fait. Il y avait un rapport au dentiste assez différent d'avant, et je pense qu'il y en avait beaucoup moins du coup qui allaient chez le dentiste. Mais là où je voulais en arriver, voilà, c'était pas avoir un débat sur est-ce que l'orthodontie sert ou pas. Est-ce que non, mais bien sûr que les soins dentaires sont très importants. Ça, c'est évident. Mais ce sur quoi je voulais insister, c'est la conjugaison de l'aspect esthétique avec l'aspect des soins. Parce que à partir du moment où on va dire à la personne qu'elle a un problème dentaire, que peut-être dans 40 ans, donc quand elle sera vieille, elle perdra ses dents, mais que ce n'est pas sûr, à ce moment-là, la personne se sent responsable de quelque chose qu'elle n'avait pas du tout vu avant, et en même temps, qui ne lui posait pas de problème. Et donc du coup, je vais essayer d'avancer un petit peu plus vite sur... ça, c'est la première étape, le moment où on lui dit « il y a un problème, il faudrait faire une chirurgie ». Donc ensuite, même si la personne peut avoir peur de la chirurgie, elle va très vite se dire « si je ne fais rien », moi je parle de la chirurgie dans le milieu hospitalier, donc du coup ça coûte rien dans le milieu hospitalier. Non, dans le milieu hospitalier, c'est pris en charge par la sécurité sociale, l'opération chirurgicale. Par contre, le traitement orthodontique n'est pris en charge que jusqu'à 16 ans. Ensuite, il coûte à peu près 600 € tous les 6 mois, en moyenne. Et donc, il y a un moment où, du coup... Alors, je ne suis pas spécialiste du prix des soins dentaires, mais ça rentre en compte. Après, le point moi, qui me semble problématique, en fait, c'est justement cette mise en lien de l'aspect esthétique avec l'aspect des soins. Parce que les personnes donc, qui, petit à petit, donc, vont commencer le traitement et faire la chirurgie, il y a quelque chose qui va changer dans leur visage. Et une fois qu'il y a eu cette modification de leur visage, par exemple, il y a des choses qui sont assez dures à entendre, qui pourtant paraissent une bonne chose. Quelqu'un va lui dire, par exemple, « Ah bah, depuis que tu t'es fait opérer, c'est beaucoup mieux. » Mais c'est positif, on dirait tout ça à quelqu'un qui se fait opérer en pensant lui faire plaisir. Mais du coup, cette personne-là se dit « Mais ça veut dire qu'avant, il me voyait d'une façon atroce, et je ne m'en rendais même pas compte, parce que, et eux ne m'en parlaient pas. » Donc à ce moment-là, du coup, il y a une sorte de méfiance générale qui s'installe par rapport à ce que pensent les autres, et il y a toute une inquiétude sur la façon de se percevoir. Donc c'est là où je disais, du coup, que cette fixation sur une partie du visage, en fait, même après la chirurgie, elle va rester. Et ça induit, du coup, pendant... même tout le reste de la vie, une inquiétude très importante par rapport à ce lieu du visage. Bon, j'ai utilisé l'exemple de la chirurgie orthognatique, mais c'est l'exemple, enfin, c'est un exemple parmi d'autres. Il y a aussi toutes les chirurgies sur le nez, il y a aussi tout ce qui est au niveau des implants capillaires, bon, bien sûr, les seins, ce qui est au niveau, du coup, on pourrait étendre ça aux chirurgies pour l'obésité, enfin, voilà. Il y a beaucoup de choses dans lesquelles se mêlent l'aspect esthétique et l'aspect médical. Et là, la question que je voudrais poser un petit peu ici... Ah oui, non, il faut d'abord que je finisse avant de poser la question. Du coup, ce qu'on peut observer, c'est qu'en fait, quand avec aussi Internet, et on pourrait dire quand même qu'Internet a permis la démocratisation des savoirs, dans le sens où pratiquement n'importe qui peut avoir accès aux connaissances médicales. Ce qui fait que quand la personne va venir avec des choses qu'elle perçoit, elle va venir avec une demande. Elle va venir voir le médecin en lui disant « j'aimerais que vous me fassiez ça, ça, ça ou ça ». Et à ce moment-là, ce qui est en train de se développer actuellement, c'est que du coup, par rapport à cette demande qui est faite par le patient, le médecin va non pas forcément regarder les symptômes et lui dire si... et lui proposer de décaler, enfin lui proposer autre chose, il va essayer de voir si cette demande peut ou non rentrer dans des critères médicaux. Et c'est là où apparaît ce que je voulais proposer comme la psychiatrisation de la demande, c'est que du coup, par rapport à la demande qui est effectuée au médecin, le médecin va essayer de savoir si cette demande est bien normale ou s'il n'y a pas une pathologie psychiatrique derrière qui, du coup, fera que la personne ne sera pas satisfaite. Donc, c'est là où je dis, on sort de l'aspect des soins pour rentrer dans un aspect, est-ce que cette personne-là, on va pouvoir la satisfaire en répondant à sa demande, donc est-ce qu'il n'y a pas quelque chose derrière de psychiatrique qui fait que ça ne fonctionnera pas? Bon, il y a une opposition. Moi, je dirais par rapport à ce que tu dis que tout simplement, oui, tu vas dans une. Tu vas quelque part, sans dents, sans jambes, ou autre, de personnes saines aussi, mais qui ne savent pas dialoguer, vont être interdits par rapport à d'autres personnes. Et ça, vont être catalogués par rapport à son aspect physique et son aspect mental. Oui, là, encore une fois, je ne parle pas de la médecine en général, hein, je ne fais pas le procès de la médecine, hein, je pense que personne ne peut dire la médecine, on n'en veut pas, enfin non, ce serait un petit peu excessif quand même. Non, ce que je dis, c'est que il y a une part de la médecine qui, en prenant en compte l'aspect esthétique, vient faire des nouvelles catégories psychiatriques sur la demande de soins, qui du coup n'est plus une demande de soins. Donc je parle de personnes qui sont en bonne santé, bien sûr. Et donc voilà, la question que je voulais mettre un petit peu à débat avec vous, c'était finalement, quelle part la médecine, est-ce que la médecine a quelque chose à dire sur l'aspect esthétique? Voilà, c'était vraiment là-dessus, c'est ça que je voudrais mettre en débat. Bon, l'esthétique étant une sous-catégorie en philo, je crois, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. On va pas parler de ça. Après, effectivement, il y a un certain nombre de cas où la médecine a quelque chose à dire. Je pense, par exemple, aux personnes qui sont, aux femmes qui, aux jeunes filles qui souffrent d'hypertrophie mammaire, où effectivement, à ce moment-là, ça pose des problèmes sur le squelette. Où là, ça relève directement de la médecine. Il y a aussi des personnes, des rhinoplasties, des modifications du nez qui sont faites parce que ça pose des problèmes à la personne pour respirer. Maintenant, est-ce qu'effectivement tout, alors je vais retraduire ta question, est-ce que tous les soins esthétiques relèvent de la médecine ou est-ce qu'ils ne relèvent pas d'autre chose? Là, pour moi, non, il y a un certain nombre de soins qui ne relèvent pas de la médecine, qui relèvent du désir de s'identifier à un modèle marchand. Je pense que il y a un exemple, je crois que c'est au Brésil, qui est le pays le plus dans lequel on fait le plus d'opérations esthétiques, on en arrive presque à une modélisation de l'idéal féminin où toutes les femmes décident effectivement de se faire des renforts au niveau des fesses, d'avoir les seins de tel modèle, d'avoir le nez de tel modèle. Il y a l'exemple aussi en Chine où il y a un certain nombre de personnes, de femmes pour ressembler à l'idéal européen qui vont se faire modifier la forme de leurs yeux. Là, on n'est pas du tout dans un aspect médical. Par contre, quelqu'un qui aurait des paupières anormalement grande ou anormalement lourde, on pourrait parfaitement envisager, ce qui n'est pas le cas en Chine. Là, c'est vraiment uniquement un choix esthétique et dicté par la société marchande. Quand on prend en compte, par exemple, l'importance que peut avoir aujourd'hui les modèles, les stéréotypes qui sont véhiculés par l'ensemble des magazines, par l'ensemble de la télé, où on a l'impression, effectivement, que seules certaines personnes ont le droit à apparaître à l'image. C'est valable pour la coiffure, mais c'est valable aussi, et malheureusement, aussi pour des aspects esthétiques. Si on regarde par exemple les chaînes de télé, aujourd'hui une journaliste, je dis une, c'est pas par machisme, mais parce que c'est la réalité, une journaliste, une fille qui sort d'une école de journaliste, qui est jeune et mignonne, aura plus de chances d'apparaître à la télé qu'une fille qui ne correspondra pas effectivement aux critères de beauté dominants. Et c'est un vrai problème. C'est-à-dire que quand on regarde, si on fait un trombinoscope entre les journalistes télé et les journalistes radio, on se rend compte qu'il y a des personnes qui sont d'égale valeur, mais les unes on les met à l'image et les autres on les cache. Donc les secondes, peut-être par volonté d'apparaître aussi à l'image, pourraient avoir envie de faire appel à ce que l'on appelle de la médecine, mais qui pour moi n'est pas de la médecine, c'est de la modification corporelle au même titre, si je vais jusqu'au bout, que le tatouage ou la scarification. Oui, justement, là où je le mettais en parallèle avec la psychiatrie, et donc du coup ça me fait encore reformuler la question, c'est-à-dire est-ce que la médecine doit répondre par un acte, par exemple chirurgical, au bien-être psychologique des personnes? Et là, ça pose d'autres questions justement qui vont vers une norme esthétique et qui empêchent de poser la question au niveau de la société, mais la pose au niveau de l'individu qui devrait répondre à cette norme. Moi, pour des médecins psychiatriques, en psychiatrie, faudrait plutôt discuter et connaître la personne et savoir ce qu'il veut, savoir ce qu'il a besoin, au lieu de le cachetonner à longueur de temps. Bah, c'est-à-dire que oui, la chirurgie apparaît comme la solution rapide et efficace pour répondre aux problèmes de bien-être, mais ceci étant dit, ça marche pas très bien quand même. Ouais, juste d'ailleurs, bah, pour aller même plus loin dans ce que tu disais, il y a même pas qu'à la télé en fait, même dans les bureaux, même une secrétaire en fait, sans remettre en question la secrétaire qui est mignonne, hein, tant mieux pour elle, mais elle a plus de chances aussi une secrétaire mignonne aujourd'hui de trouver du travail. Donc donc l'image en fait c'est partout, c'est vraiment partout. Et j'ai perdu le fil. Oui, enfin voilà. Donc oui, comme tu disais aussi, c'est du coup clairement on peut identifier que c'est un besoin d'image de la société, que la société attend de nous, en fait. Et donc, répondre chirurgicalement, modifier son corps, en gros, par la chirurgie, pour répondre à une demande, enfin, un besoin de la société. Donc, je crois qu'il y a cette question quoi, qui se crée. Et, enfin, c'est, ouais, pour moi, ça m'interpelle. Quoi, c'est... Ouais, surtout si on prend un point, on médicalise quelqu'un qui souffre d'anorexie. D'accord. Alors en sachant que derrière l'anorexie, il y a plein d'études et tout ça, mais on la médicalise cette personne-là, alors qu'on refuse de médicaliser au sens de soigner, au sens soigner en faisant un travail avec elle, pas forcément en psychiatrie, mais peut-être avec un psychologue ou autre, une personne qui voudrait absolument modifier son corps pour ressembler à un idéal fantasmé. Oui, et c'est sur quoi je voulais insister du coup au début, c'était le fait que le discours médical lui-même, donc encore une fois pas partout, hein, mais certains discours médicaux viennent ajouter sur la demande de soins une dimension esthétique. Donc du coup c'est même pas la personne qui esthétiquement vient demander quelque chose et la médecine y répond, c'est quelqu'un vient faire une demande de soins. Et voilà, le médecin va rajouter « Ah oui, et du coup, en fait, vous avez une malformation, vous allez vous sentir mieux si vous faites cette chirurgie-là, alors qu'au début, cette chirurgie était plutôt fonctionnelle. » Et là, du coup, ça rajoute un mal-être chez la personne qu'elle n'avait pas, parce qu'elle n'avait pas de problème, par exemple, avec cette partie-là du corps. Non, moi, j'y connais pas grand-chose, mais ce qui m'interpelle, ce sont effectivement les médecins qui ne paraissent pas avoir de limites aussi avec leurs patientes, et certaines, on voit des femmes qui... Alors, la limite entre la chirurgie et la mutilation est mince. Parce que quand on voit des femmes qui ont des seins comme ça, qui ont une bouche, enfin, bon, et pas que dans le 16e arrondissement, hein, mais c'est vrai que on voit des femmes qui sont complètement mutilées, qui sont prêtes. Je dis les femmes parce que ça touche majoritairement les femmes, en fait. Bon, il y a des hommes qui font la chirurgie, mais majoritairement, c'est les femmes, parce que les femmes ont plus de pression avec le physique que les hommes. Je pense. Les hommes ont d'autres problèmes, mais on va pas. Mais c'est vrai que du coup, ça interpelle le manque d'éthique aussi ou de morale, si on peut parler de morale, chez les médecins, qui semblent ne pas avoir de limite, quoi. Dire stop. Pourquoi en France on pourrait pas interdire la chirurgie esthétique? Parce que ça rapporte des sous. Non mais pour rebondir sur ce que tu dis, alors voilà, comme je disais, je voulais pas faire le procès des médecins, du coup je vais prendre la partie des médecins, là, je vais les défendre. Alors, non seulement parce que je pense qu'il y a beaucoup de médecins qui y croient, c'est-à-dire ils y croient dans le fait qu'en faisant cet acte-là, ils vont vraiment, pour le bien de l'autre, apporter quelque chose. Et même quand justement il n'y a pas de demande esthétique, ils se disent, dans cette espèce de... se mettre à la place de l'autre, ils se disent « avec son problème de nez, moi je pourrais pas être à sa place, donc elle doit pas le savoir, mais il faut qu'elle le sache, parce qu'elle le sait pas, mais ça va lui tomber dessus un jour ou l'autre, donc il faut qu'elle le sache, que je lui dise qu'elle a un problème esthétique pour pouvoir l'aider. » Mais alors que... Et là, je pense... Enfin, voilà, tu disais pas de limite, mais je pense que là, en fait, il ou elle, d'ailleurs, médecin, il n'y a pas que des hommes, hein, à l'inverse, il n'y a pas qu'un homme qui soigne une femme, hein, donc il et elle ne se rendent pas compte forcément que, enfin du vécu subjectif en tout cas, que voilà ce que eux perçoivent parce qu'ils ont appris quand même dans leurs études médicales ce qui était une norme, ce qui était un organisme qui fonctionne de telle et telle façon, et pourtant il y a beaucoup d'organismes qui fonctionnent différemment de d'autres et qui fonctionnent très bien. Et ça, bon, on l'entend, mais pas beaucoup. Et du coup, en s'appuyant sur cette norme fixée comme idéale, mais aussi parce qu'ils ont appris ça dans leurs études, c'est d'abord, enfin je pense pas pour tous, hein, il y a aussi un aspect business très clair, mais pour beaucoup, c'est parce qu'ils considèrent que ça va être mieux pour l'autre. Donc voilà, la question des limites, il y a aussi ça qui existe, quoi, en tout cas. Enfin, c'est pas que des méchants. Ouais, en parlant là, tu m'envoies une interrogation. Le summum quand même de la chirurgie esthétique, pour tout au moins de la conformité aux normes, c'est ce que commence à développer un certain nombre de labos, où ils sont quand même en train de vous expliquer que vous allez pouvoir choisir le sexe, la couleur de cheveux, la couleur des yeux, la taille probable de votre enfant. C'est-à-dire qu'on est en train de dire, on va vous fabriquer un enfant correspondant aux normes de ce que, aux normes de la société. Voilà, parce qu'il a été prouvé à un instant T qu'une fille blonde de plus de 1m75 ayant de telles mensurations a plus de chances effectivement de, entre guillemets, réussir dans la vie, on va jusqu'au bout du système et vous en fabriquez un comme ça. Alors on va, mais c'est ça aussi la conformité aux normes. En, ça c'est le premier point. Deuxième point, enfin ça fait longtemps que j'ai pas lu ça, mais enfin, que je me suis pas replongé là-dedans. Il me semble que l'espèce humaine a évolué systématiquement grâce à des mutations par rapport aux normes. C'est-à-dire qu'effectivement, à un instant T, il existait des normes, et qu'alors après, on parle de l'influence des virus et autres, qui ont fait que l'espèce humaine évolue de fil en fil. Avec ce système-là, c'est aussi figer l'espèce humaine à un instant T. À un modèle, comme on a figé la grand-mère au 19e siècle, la grand-mère au 19e siècle, et ma grand-mère, on l'a pas figée au 19e siècle, elle a vécu jusqu'au 21e. Comme on a figé la grammaire au 19e siècle, on va figer l'espèce humaine à la fin du 20e, début du 21e, comme étant l'être humain vraiment dans sa plus terminée, et après il n'y aura plus rien d'autre. Merci beaucoup pour ce que tu viens de dire, parce que c'est tout à fait ça la prévention du risque. C'est-à-dire, on ne vieillit pas, on ne bouge rien, il faut que tout reste pareil, il n'y a pas de risque, il n'y a pas d'inattendu, il n'y a pas de hasard. Donc, si on pouvait tout rester bien figé et tout collé, mais enfin, quel monde de pourri, enfin, je ne sais pas qui a envie de ça, mais tout le système des assurances fonctionne là-dessus. Enfin, sur un, alors que pourtant, dans le présent, il n'y a quand même pas grand-chose, parce qu'on pense toujours qu'il y en a quand même une société tournée vers l'avenir, et la prévention du risque vient en contre-coup sur cet avenir, il sera tout lisse, il n'y a rien qui va bouger, donc on est dans un présent inexistant permanent. On pourrait presque le dire comme ça. On a créé quand même la commission retraite. La commission retraite. Viens. Non, l'existence même, c'est un a priori. Non, il n'y a pas d'a priori. Donc, on vit simplement. Tout simplement. Simplement. Et pas de Trafalgar. Et on va rester simple. On va toujours rester simple. On vit simplement, oui. Bah, on aimerait bien, mais. J'ai pas tout à fait l'impression que ce soit possible. Est-ce que d'autres personnes souhaitent rebondir là-dessus? Juste en plus, alors je sais, en fait, je suis mal renseigné. Je sais pas si est-ce qu'il y a des remboursements, je veux dire, qui sont appliqués par la sécurité sociale dans certains cas, d'accord. Et bon, enfin, je suis pas du tout contre forcément, mais je trouve ça assez scandaleux dans le sens où il y a encore des soins aujourd'hui de santé importants, enfin indispensables pour moi, qui sont pas remboursés entièrement. Et alors que c'est des soins, enfin là, c'est des besoins, quoi, vraiment des besoins humains, et qui sont pas encore remboursés entièrement. Alors je pense pas que la chirurgie esthétique soit remboursée à 100%, mais mais bon, là, qu'on commence déjà à aller sur ce terrain, alors que d'autres terrains qui me paraissent bien plus indispensables sont toujours pas finis pour moi, en fait. Donc, et donc, il y a aussi une volonté derrière, en général, d'aller sur ce terrain-là, de s'assurer que tout le monde, que ça intéresse tout le monde, ce sujet, que tout le monde veuille bien se mettre à cette norme-là. Enfin voilà quoi. Il y a quand même une volonté quoi. Pourquoi on ne rembourserait pas certains soins dentaires ou optiques depuis toutes ces nombreuses années quoi. Enfin je veux dire, ça fait combien d'années qu'on entend, on a besoin de voir clair. Enfin c'est pour tout le monde. Pourquoi? Enfin voilà. Je suis complètement d'accord. Et c'est là où ça, je disais là. Qui a du coup, quand la personne vient faire une demande, si elle est médicalisable, elle sera remboursée. Si cette personne-là a un truc psychiatrique, du coup on va lui dire bon bah non, on va pas vous le faire. Et donc c'est pas directement en lien. Mais en tout cas, par rapport à, je parlais de la chirurgie orthognathique, du coup des personnes qui n'avaient pas du tout envie de se voir modifier la mâchoire, bon il y a des, encore une fois, je dis pas que c'est le cas pour tous, hein, mais du coup la chirurgie va être remboursée. Et en effet, elle sera remboursée parce que prise dans des considérations médicales comme préventive, dans 40 ans, peut-être vous allez perdre vos dents, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème fonctionnel sur l'instant. Alors si, voilà, il peut se rajouter le fait que bon, si vous faites opérer, vous respirez mieux. Mais la personne considère qu'elle respire bien, simplement on lui dit, mais vous ne vous rendez pas compte, en fait vous respirez mal. Bon, ok, mais ça ne l'empêche pas de vivre, voilà, là c'est pas, on n'est pas dans les besoins indispensables qui devraient être remboursés. Et alors qu'il y en a énormément. Et pourquoi du coup est-ce que pour certaines personnes françaises qui ont la sécurité sociale, on va leur faire faire cette chirurgie qui sera remboursée, et par contre des personnes qui viennent de l'étranger, on va même pas leur donner les premiers soins. Enfin là, on est vraiment dans une contradiction assez énorme. Oui. Et du coup, moi j'avais une question à te poser. Qu'est-ce que tu penses, par exemple, parce qu'on pourrait imaginer pousser le débat plus loin, par exemple pour les enfants ou pour les adultes qui ont par exemple des becs de lièvre, des choses comme ça. Est-ce que tu penses que dans ce cas-là précis, est-ce qu'on peut quand même se poser finalement aussi la question de la chirurgie esthétique, c'est-à-dire que c'est la société qui nous pousse à changer, on pourrait très bien vivre avec un bec de lièvre, ou est-ce que tu penses qu'au contraire, dans ces cas-là, la chirurgie est vraiment indispensable et voilà. Oui, ça c'est une question très intéressante parce que, en fait, en Inde, la chirurgie, justement, du bec de lièvre n'existe pas. Et il y a un certain pourcentage de la population qui vit avec un... qui vit avec un bec de lièvre, et ça ne choque pas les gens. Parce qu'il y en a plein. Enfin, donc, du coup, bah, ça fait partie, bon, bah, comme, je sais pas, quelqu'un qui a moins de cheveux, quelqu'un a un bec de lièvre. En effet, ça peut être handicapant, vraiment dans les cas graves, mais il y a beaucoup de cas sur lesquels ça choque visuellement, mais ce n'est pas handicapant. Je ne saurais pas te dire pour combien de personnes c'est vraiment... Pour combien de personnes c'est vraiment handicapant et pour qui ça ne l'est pas. Mais là, ce qu'il faut savoir justement par rapport au bec de lièvre, c'est-à-dire que, en fait, en France, il n'y a pas le choix de se faire opérer ou pas. La suggestion médicale, c'est-à-dire la suggestion médicale, c'est on vous dit que vraiment si vous le faites pas, bah vous êtes inconscient quoi. Enfin vous êtes fou et votre enfant il pourra pas se développer, ça va être terrible et puis il sera rejeté de tout le monde et bon bah à un moment quand les parents entendent ça, bon et donc du coup en fait déjà il le repère avant la naissance et donc du coup il y a une prise en charge directement après la naissance. Donc dès les 6 premiers mois, il y a tout de suite une prise en charge qui se fait. En fait, les enfants sont suivis jusqu'à 18 ans, puis ensuite dans d'autres hôpitaux. Mais là, je parle par exemple dans le cas à Necker, ils sont suivis voilà jusqu'à 18-20 ans et ensuite pris en charge. Et là, du coup, il y a vraiment, enfin, le chirurgien fait partie de la famille. Du coup, dès le début. Et quand je disais il y a pas d'option, alors je connaissais une donc quelqu'un qui travaillait là-dedans et qui m'a parlé d'une famille justement dans un endroit pas dans une ville, je crois, dans une campagne, à qui on avait proposé ça et qui avait dit non, enfin moi je. Il y avait certainement moins de moyens aussi, donc il y a eu moins de suggestions, probablement. Et en fait, elle avait revu cet enfant devenu plus grand à 20 ans, qui disait que bah. Non, il avait toujours pas, lui, envie de se faire opérer parce que il était bien avec ça, que non, il avait des amis, que non, il avait réussi sa vie et que, enfin, il réussissait sa vie et que ça allait. Mais là, en face, il y avait une sidération, en fait. Les chirurgiens qui, bon, au bout d'un moment, se sont dit, bon, bah, d'accord, enfin, puisqu'il le dit, mais vous imaginez la force de conviction qu'il faut avoir pour prouver à l'autre que non, je vais bien. Là, c'est quand même incroyable. Ah mais pour poursuivre un peu dans ce que tu viens de dire en parlant de la campagne, Je crois qu'il y a une difficulté de plus en plus importante, enfin un problème de plus en plus important dans notre société, c'est d'accepter véritablement les différences. Pour prendre un exemple très simple, avant, des fous, il y en a toujours eu. Des gens qu'on appelait fous, des gens qui étaient entre guillemets anormaux, il y en a toujours eu. Avant, à la campagne, le fou était intégré dans la vie. Moi, j'ai vécu dans un village où il y avait deux personnes qui avaient des graves problèmes psychiatriques, un qui était totalement abruti et l'autre qui avait eu un problème suite à une méningite tout petit. Et ils faisaient partie de la vie du village. Ils étaient gérés collectivement. Ça ne serait jamais venu à l'idée de personne de les enfermer. Or aujourd'hui, on vit dans une société où on est tellement normatif, on veut tellement des personnes qui ressemblent à un idéal que dès que quelqu'un s'éloigne un tant soit peu de cet idéal, on cherche à le marginaliser, à l'enfermer, à l'exclure de notre vie, de notre vue. Et on le fait aussi bien physiquement qu'au niveau de la parole, c'est-à-dire qu'on vide, les personnes. Je prends un exemple très simple. Il y a Seb qui est là, il est de la commission SDF. Il y a quelques années, on parlait pas de SDF, on parlait de clochard. Ça correspondait bien à quelque chose. Ça correspondait à quelque chose et de réel qui renvoyait à l'histoire. À un moment donné, on dit, ce sont des SDF. On lui met un acronyme et c'est un moyen d'en vider de leur sens. Et la société procède systématiquement comme ça. Pour tout, le demandeur d'emploi, le chômeur devient un demandeur d'emploi. Et on le fait pour tout. Ce qui fait qu'effectivement, les gens anormaux, alors c'est vrai que pour certains, ça va être sur le physique, pour d'autres, ça va être sur leur apparence, pour d'autres, ça va être sur la manière dont ils vivent. Mais on ne veut admettre à l'intérieur du monde que les personnes qui ressemblent au modèle moyen. Ça me renvoie à un bouquin de science-fiction qui existait il y a quelques années, où le gars expliquait en gros qu'on en était tellement arrivé à la normalité qu'on avait supprimé les élections et qu'on avait mis en place un logiciel qui identifiait Monsieur Moyen. Monsieur Moyen devenait automatiquement celui qui était le plus proche de la moyenne définie de la population, devenait automatiquement le chef de l'État. Et on était allé tellement loin sur le gommage des différences qu'on avait considéré que toutes les personnes devaient être affublées du même masque. Pour qu'on ne puisse pas vous dire qu'un tel était beau, un tel était moche, il fallait que tout le monde se ressemble. Et c'est effectivement la société dans laquelle on veut nous faire vivre, et c'est la société que nous, ici, on essaye de rejeter. Juste pour donner un autre exemple, en effet, dans la psychiatrie, tu parlais, donc là, on est dans le changement de la grand-mère, par contre, hein, pas de la grand-mère, mais... elle était facile, c'est vrai, elle était facile, j'admets. Donc, je voulais juste rajouter en fait un exemple dans le champ de la psychiatrie. Il a toujours existé des gens qui ne vivaient pas au même endroit, qui se promenaient, qui allaient d'un pays à l'autre. Eh bien, au début du XXe siècle, on a appelé ça le voyage pathologique. Et à partir de ce moment-là... Ah, faux. Alors tout simplement, le voyage pathologique a existé exactement dans les années 1780. Ce qu'on appelait les gens du voyage qui venaient d'Inde, et que tout simplement, ils se sont réunis tous dans la France entière, à peu près sur les coups de 1920, au moment de la guerre. C'était un voyage pathologique et un voyage de réunissement. Et ça a été des gens du voyage qui venaient du sud, du nord et du centre. Et c'est ça le voyage pathologique. Après, en même temps, moi je vais répondre à Gigi, parce qu'il a parlé sur les sans-abri. Et moi, oui, je suis un sans-abri. Je suis pas SDF. Hein. Je suis pas clochard. Je suis sans-abri. Je suis ressorti d'une manifestation sauvage, allongé, près de moi, coup de matraque. Les coups de matraque, j'avais rien fait. Hein. Je suis pas un casseur. Je suis de la nuit debout. Mais la honte, c'est quoi? C'est le gouvernement lui-même. Parce qu'il préfère taper sur quelqu'un de très faible que les voir lui-même, quelqu'un de plus fort encore, qui s'appelle les ministères. Et c'est ça le problème. On doit gérer entre nous, là. C'est l'éducation propre. L'éducation, c'est quoi? C'est de pouvoir encore montrer aux enfants comment marcher dans la rue, comment avoir le respect envers des personnes plus âgées que eux, ou encore avoir le respect envers la personne qui travaille. Un merci, un bonjour, une main tendue pour serrer la main. C'est ce qu'on appelle un respect. Et dans le gouvernement lui-même, on va dire, pour moi, je dis, et je réponds pour Éduque Pop, on va parler d'éducation, mais l'éducation, il n'y en a plus à ce temps-ci. Pourquoi ? Parce que les parents se font marcher dessus par leurs enfants, parce que derrière, à l'école, ils font les profs, les maîtresses, ou n'importe où, se font marcher sur les pieds, parce que c'est devenu des tempéraments de durs, un tempérament que les personnes, vu que les parents ont vécu un système de vie tellement monstrueux qu'il a été retransmis par rapport à l'enfant. Et ça, faut que nous, tous ensemble, se réunissent et fassent comprendre aux gens des quartiers populaires ou même dans toute la France entière, de dire, voilà, regardez, telle année, comment étaient ces personnes ? Le respect, éducation populaire. C'est ça l'éducation populaire, c'est pas un débat sur ceci ou cela. C'est apprendre à la personne en lui-même de se faire respecter dans le sens un bonjour, un au revoir, un merci. Et c'est ça l'éducation. C'est rien d'autre. Faut aller dans les quartiers populaires pour leur montrer qu'on est là avec eux. Faut aller voir les jeunes qui vivent dans la rue, dans des assos, leur montrer, bon voilà, t'es à la rue, mais regarde comment on te respecte. Ou même, faut aller voir des immigrants, des sans-papiers, leur dire, regarde, viens avec nous, éducation populaire, on va t'apprendre un petit peu comment on peut faire en France, comment on doit être en France. Et c'est ça qui doit fonctionner au niveau de l'éducation populaire. Populaire, éducation populaire, ça veut dire quoi ? C'est l'éducation du peuple, si je ne me trompe pas. Tu es d'accord avec moi ? C'est-à-dire l'éducation du peuple, c'est le respect du peuple par le peuple. C'est d'avoir chacun, on ne se connaît pas, mais on se dit bonjour quand même. Et ça, ça existe beaucoup dans beaucoup de villes, mais plus dans les provinces. Sur Paris, on s'est oublié. On s'est oublié en tant que peuple à peuple. On s'est fait diriger par un gouvernement d'El Khomri, de Valls, de Hollande, d'Anne Hidalgo. Non, mais attends, d'Anne Hidalgo, parce qu'Anne Hidalgo, elle est dans le lot. Moi, je te rassure. Et c'est ça le problème. Toutes les violences qu'il peut avoir, c'est pas nous qui les créons, c'est pas le peuple en lui-même, mais c'est ceux qui travaillent contre le peuple. Non, mais pour rejoindre, c'est pour essayer de rejoindre le débat, de toute façon, clairement, comme tu dis, ça pour répondre à un besoin psychologique. Donc tout ce qu'il vient de citer, c'est ça, ça crée des problèmes psychologiques en fait. Je pense non. S'il faut une réponse, moi ma réponse c'est non. Clairement non. On va pas répondre à la chirurgie esthétique partout. Les problèmes psychologiques créés par des besoins de société artificiels en fait, enfin superficiels pour moi. Donc, pour moi, si ma réponse personnelle, ça serait non, et du coup, je le rejoins. Enfin, là, il faut plus reprendre les vraies choses, comme accepter les différences, comme il disait, savoir des choses simples qu'on nous apprend, je pense, enfin, qu'on nous apprend pour la plupart, en plus, petits, qu'on apprend bizarrement en fait à respecter chacun chez soi dans sa famille et qu'on respecte pas dehors. Je trouve ça assez bizarre en fait. Souvent, ce que j'ai envie de dire à des gens qui sont assez qui manquent de respect comme ça dans la rue, j'ai envie de dire est-ce que tu ferais ça si ta mère serait ici? Souvent parce que voilà, on a chez nous on arrive quand même à le faire. Je suis en général, hein, pas tous, hein, mais en général, et on a du mal à faire dehors. Quoi, ouais. C'est d'autant plus important le respect des différences, que ce soit physique ou psychologique, qu'on oublie un peu que le XXe siècle a été. On parle beaucoup du nazisme, mais il y a eu tout un courant qui s'appelait le courant eugéniste en Europe, qui a conduit certains pays qui sont montrés comme étant des grands pays à la pointe du progrès, comme la Suède, à un moment donné, à mettre en place des programmes d'eugénisme. Aux États-Unis aussi, il y a eu des programmes d'eugénisme, c'est-à-dire qu'effectivement, on empêchait toutes les personnes qui étaient considérées comme n'étant pas dans la norme, on les mettait de côté, on les empêchait de pouvoir procréer. Tu vois. Et là, il me vient un truc que j'ai vécu un jour à La Défense. À La Défense, il y a un centre qui s'occupe de personnes qui sont trisomiques 21. Et un jour, je prends le RER et monte dans le RER tout un groupe de personnes qui étaient trisomiques 21. Et il y en avait deux, un gars et une fille, qui se tenaient dans les bras et qui se faisaient des bisous. Et tout le monde les regardait, l'air un peu choqué. Je me rappellerai toujours de la réponse du gars les regardant et disant, mais nous aussi, on a le droit de nous aimer. Est-ce qu'on conclut là-dessus ou est-ce que quelqu'un souhaite rajouter quelque chose avant l'intervention suivante? Non, bon, c'est pas mal comme conclusion. Hein. Oui. À propos de l'éducation populaire, je voudrais rebondir sur ce que tu disais. Ton prénom, c'est Bastien. Moi, c'est Michel. Sébastien. Moi, c'est Michel. Et donc, je voulais rebondir sur ce que disait Sébastien en parlant de mon point de vue sur l'éducation populaire. J'ai toujours justement mal ressenti quand on me parlait d'éducation populaire, notamment quand on me parlait d'éducation populaire, enfin surtout quand on me parlait d'éducation populaire, pour ce qui était du savoir bien manger. Ça me faisait bondir, parce que à l'époque je bouffais pas, mal. C'est d'ailleurs des mecs de la rue avec qui j'étais pote, qui m'ont dit t'es bien un con, tu sais pas te démerder, et puis ils m'ont montré comment on pouvait se démerder. Dans une ville où je savais me démerder que parce qu'avant j'avais un boulot et que voilà, donc j'achetais quand j'avais besoin de bouffer. Donc j'étais loin d'être un cueilleur des villes. Et donc ils m'ont appris, ils m'ont montré comment il fallait faire. Et quand on m'a parlé d'éducation populaire en termes de nourriture, ça me faisait bondir. Et moi j'avais envie de dire, pour tous ceux qui n'avaient pas à bouffer, la première des éducations populaires, c'est de me respecter, de me donner 100 euros, et moi je vais vous montrer comment on fait à manger correctement. Après, si vous respectez ma... Moi, par rapport à la rue, tu vois, je la vis depuis des années, ça fait 13 ans que je la vis. Et je vais te dire, tu vois, pour te démerder pour manger, tu prends simplement une boîte de conserve, tu trouves des tubes dans les poubelles, tu trouves du sopalin et de l'huile et tu te fais une chauffe comme en prison. Et comme ça, tu vas te démerder pour manger. Parce que c'est comme ça qu'on doit être et c'est comme ça qu'on doit se faire partager tous ensemble. Un repas, c'est à l'époque, je m'en rappelle moi, à l'époque, je te parle de 12 ans de ça, et même encore, même si j'étais pas encore né, on m'en a encore parlé. Et dans les montagnes, ça en parle encore, c'est des repas partagés par chaque personne et les personnes restent bloquées à l'endroit où il y a un feu, comme dans les années 70. Et c'est comme ça qu'on doit revenir. Dans les mois d'épis, les épis étaient tous solidaires. Il y avait une manifestation, c'était tous ensemble. Il y avait une bagarre, c'était tous ensemble. Il y avait... Au niveau des bagarres, normalement, c'était un par un. Après, il y a eu plein de choses qui ont été créées. Mais là, maintenant, depuis 2000, c'est le capitalisme qui a existé. Donc il a fini son point technique et donc moi je vais finir grâce à son point technique en fait. Par exemple moi maintenant j'ai réussi à retrouver un boulot dans les écoles. Et tu parlais des écoles tout à l'heure effectivement, puis tu parles du repas là maintenant. Les enfants de maternelle notamment, ils entendent très bien ce que tu dis. Si tu leur dis les mots magiques, c'est le repas, c'est un partage. Donc vous vous attendez les uns les autres parce que c'est ensemble. Et là, quand on mange ensemble, ça n'a rien à voir. Et là, du coup, ils entendent tout le monde, ils écoutent tout le monde et ça ne parle pas dans tous les sens. Ils sont heureux, ils parlent, mais pas en criant. Et parce qu'on s'est attendu et qu'on partage. Aimer, c'est partager. Attendez, il y a quelqu'un derrière d'abord. Alors, je propose de tenir le micro quand les gens parlent trop fort. Je propose de tenir le micro quand les gens parlent trop fort. Qui veut parler? Toi, je te tiens le micro. Je te tiens le micro, tu parles trop fort. Comme ça, je peux régler la puissance. Par rapport aux cantines que Michel y parle, il se passe que dans les années 90, moi qui étais à l'école, c'était un partage, oui, c'était chacun passait son plateau et tout le monde attendait pour manger. Et c'est de là qu'est passé le partage. Et bien avant, il n'y avait pas de partage, il n'y avait aucune solidarité. Et cette solidarité qui est perdue encore maintenant, faut qu'on la reprenne et qu'on montre à nouveau à tout le monde, au peuple en lui-même, de pouvoir partager ce qu'il a et ce qu'il peut faire, à la base des bases. Principalement, nourriture, parlement et regard. Oui, ben voilà. Donc, par contre, on va être obligé de clore ce débat. Oui. Donc, on va passer au débat suivant. Alors, pardon. Alors, bonjour, je m'appelle Julien. Je voulais vous dire par rapport justement à la nourriture et tout ça, l'éducation. Voilà, premier point technique par rapport à l'éducation. Il y a deux choses à savoir. Enfin, la science peut aider à éduquer moralement les gens. Premier truc à savoir, c'est entre deux personnes totalement inconnues dans le monde, un Inuit et un aborigène par exemple, il y a au maximum 11 personnes qui se connaissent entre elles petit à petit. Voilà. Ce qui veut dire qu'en réalité, entre deux inconnus dans le monde, on n'a même pas de quoi faire une équipe de foot à aligner à l'euro. Quoi. Donc voilà, premier truc. Ensuite, par rapport à l'entraide. Il ne faut pas oublier que l'entraide, c'est le meilleur facteur de survie. Les fourmis, les abeilles le prouvent très bien. Donc ça aussi, c'est quelque chose à éduquer pour les gens. Et je voulais dire aussi, par rapport à la nourriture, ce que me disait le monsieur, ce que disait le monsieur là, qui est à la rue, moi, tous mes amis de jeunesse qui étaient à la zone, les seuls qui sont encore vivants actuellement, c'est ceux qui sont retournés à la montagne et qui ont fait pousser leur propre nourriture. Donc comme disait Voltaire, le premier chemin vers le bonheur, et Épicure hein, d'ailleurs, c'est de cultiver son propre jardin. Donc voilà, je rends le micro. Ok, bah impeccable en conclusion personnellement.